Donc voilà, donc maintenant on va passer au débat, au moment d'échange. Je vous présente brièvement les personnes qui ont le droit de me contredire dans la présentation. Donc Maurice Montet, donc de l'Union Pacifiste, donc qui nous a fait le plaisir de venir ici aujourd'hui et pour un petit peu élargir le débat, pas rester uniquement sur une réflexion luso-portugaise ou même française. Antonio Honnête, peut-être présenté comme militant anticolonialiste et déserteur. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'était le beau garçon dans le dernier film. C'est vrai. Victor Pereira, historien qui travaille notamment sur les questions de l'immigration portugaise, qui dépend de l'université de Pau, c'est ça, et qui a écrit un bouquin qui a fait date assez récemment, à partir de sa thèse, donc sur l'immigration portugaise, on va dire, comment tu présenterais le... Bonne question. Comment l'État a vu l'immigration? C'est ça. L'État portugais a vu l'immigration. Et donc, il va plutôt, on va dire, modérer le débat, mais pas uniquement. Donc, j'espère qu'il nous dira aussi un petit peu les difficultés d'étudier aussi cette question de la désertion. Et Vasco Martins, donc, qui était insoumis et lié à différents comités de soutien aux déserteurs. Et voilà, je précise juste que Antoine et Vache font partie de l'association Mémoire Vive. Et du coup, voilà, donc peut-être qu'on va commencer à discuter et après qu'il y aura un échange, j'espère, nourri avec le public. Bonsoir, c'est moi qui anime. Donc, c'est sur la transition. Donc, moi, je suis d'autant plus. Une des raisons pour laquelle j'ai fait le livre qu'a évoqué Tébor une thèse, qui était sur donc, comment l'État portugais a contrôlé l'immigration, a contrôlé les Portugais en France, c'est qu'un jour, et c'est le seul moment où je parle de ma vie, vous inquiétez pas, un jour, quand j'étais jeune étudiant, j'ai reçu une convocation de l'armée, un beau document de l'armée portugais, l'armée portugaise, qui me convoquait à la caserne de Porto, tel jour à telle heure, pour faire mon armée. Donc, je ne peux pas dire comme vous que je suis insoumis, parce que je dis, je n'ai pas répondu, je crois. Et j'aurais dit, qu'ils viennent me chercher au fin fond de Normandie, je les attends. Et donc voilà, je suis peut-être insoumis, je ne sais même pas comment l'État portugais me considère, parce qu'il me considère comme portugais, mais comme n'ayant pas fait son service militaire. Mais bon, pour commencer maintenant sérieusement, je vais d'abord, comme notamment avec notre camarade, si vous n'avez pas vécu dans un igloo ou enfermé dans une grotte, vous avez remarqué, l'année dernière ou cette année, on a beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale, et je pense qu'on va encore en entendre parler pendant 3 ans. Et une des grandes questions que les historiens se posent, c'est comment et pourquoi les gens, en France en l'occurrence, mais aussi en Allemagne, voire même en Grande-Bretagne, pourquoi autant de milliers, voire de millions de personnes ont accepté d'aller se battre, d'aller mourir dans cette énorme boucherie qui était la Première Guerre mondiale. Et comment, notamment, les positions pacifistes, les positions de ceux qui ne voulaient pas faire la guerre, ceux ont été relativement peu entendus. Et si ce n'est vers la fin de la guerre, et même on reprend un peu, les historiens essayent de recomprendre les mutineries qu'il y a eu en 1917. Mais une des grandes questions, c'est pourquoi, pour des millions de personnes, à l'époque où il n'y avait ni la télévision, qu'il n'y avait pas des éléments... c'était pas encore des dictatures totalitaires, comment il a apparu pour des millions de personnes à travers l'Europe de la plus grande évidence d'aller se battre, de rentrer dans l'armée et d'aller tuer des gens ou de risquer de se faire tuer ou de mourir. Et donc la première question que je voulais poser à mes deux voisins, une, c'est un peu compris, mais comment vous, jeune portugais qui vivait au Portugal sous ces dictatures, avec ou à l'école, il y avait notamment les instituteurs, quand ceux qui allaient 3-4 ans, parfois plus longtemps, mais on leur disait que le Portugal allait du Minho à Timor, ou parfois certains savaient même les fleuves, le Limpopo, le Zambèze, étaient capables de les connaître, c'est-à-dire que même s'ils n'allaient peut-être jamais les voir, ils savaient, et toute la propagande du régime, même la propagande la plus subtile, mais la plus quotidienne, à la fois le curé, mais aussi les expositions coloniales, les quelques livres pour enfants, avec les grands héros qui ont été prétendument Vasco de Gama, etc. Comment est-ce imaginable d'un moment de se dire « je vais pas faire cette guerre ». Parce qu'après, pour être un peu provocateur, le nombre de réfractaires était très important. Et déserteurs étaient importants en 1970, il y avait 20% environ, même si après on peut avoir des débats sur les chiffres. Mais ça veut aussi dire que 80% des personnes ont fait cette guerre. Alors certains l'ont peut-être faite et essayé de viser le plus haut possible ou d'essayer de surtout de tuer personne et d'éviter d'avoir de problèmes. Et je pense que beaucoup d'entre eux, il y a aussi beaucoup de textes sur la Première Guerre mondiale, des gens qui vont faire la guerre parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais qui vont éviter de tuer ou de se faire tuer. Mais comment vous, alors peut-être Vasco d'abord, parce qu'on vous a déjà entendu, mais juste après vous, comment pour toi, je ne vais pas faire semblant de vous voyez, comment pour toi, qui est passé par l'école, qui peut-être allait à l'église, je ne sais pas, dans ce monde-là où c'était l'évidence la plus absolue que l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, c'est le Portugal, comment, à un moment, tu en viens à quitter ce pays pour ne pas avoir à faire cette guerre coloniale? Oui. Alors, moi, je suis parti, je m'en suis enfui du Portugal en 61, juste quelques mois après le début de la guerre coloniale en Angola. Moi, je viens de Setúbal, c'est une ville industrielle au sud de Lisbonne, au bord de la mer. Et nous, bon, il y en avait qui allaient à l'église, mais pas tellement. ce qu'il y a, c'est que enfin, j'ai eu la chance, peut-être, à mes 17 ans, je suis allé en Angola. Alors, soi-disant, une journée d'études. Le régime, après 58, après les élections de Delgado, du général Delgado, a vu que ça n'allait pas et qu'il fallait reprendre en main la jeunesse. Alors je faisais du sport, etc. Et dans mon département, on a été choisi 4. Donc je suis allé, on était une cinquantaine au total, et on a parcouru toute Angola. Et là, j'ai ouvert les yeux, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, c'est passionnant, mais j'ai ouvert les yeux, les oreilles et tout. J'ai compris qu'Angola, c'est Angola, et le Portugal, c'est le Portugal. C'est-à-dire, j'étais vacciné contre la propagande du régime de l'époque, le régime salazariste. Alors, d'autre part, à Setúbal, on allait à la plage, on était mélangés, beaucoup de jeunes, certains étudiaient, d'autres travaillaient, et on disait la même chose. C'est-à-dire qu'on le disait même dans les cafés. Il y avait la peur, certes, mais on était peut-être inconscient, et on le disait haut. Alors, au moment d'être engagé, je suis parti. Bon, je ne vais pas raconter comment je me suis enfui. Plus fort, parce qu'on réussit. Pardon. Merci. Et donc, c'est-à-dire que la propagande du régime, à partir, disons, de mes 18 ans, ça ne fonctionnait plus. J'ai répondu à ta question. Tu as répondu à ma question. Et alors, pour vous, on le sait déjà, mais en plus, vous, à la limite, il y avait l'aggravante, ou pas, à la limite inverse, d'une famille où il y avait des militaires, où j'imagine, alors, je ne sais pas si votre père avait fait une partie de son service militaire ou de son action en Angola ou Mozambique, mais j'imagine que ces idées colonialistes, elles étaient présentes, et donc vous, c'est une rupture, à la fois, comme on le voit dans le film, à la fois familiale, et à la fois avec les valeurs divulguées par votre père. Oui, depuis petit, on a fait toutes les colonies portugaises, parce que mon père a été militaire, donc j'ai vécu à Macao 7 ans, on était à Timor, j'ai même connu l'Inde portugaise, Goa. C'était encore au temps des Portugaises et j'y suis passé. Alors, moi j'avais une aversion pour tout ce qui était militaire parce que chez nous, le petit déjeuner, c'était règlement discipline militaire. À midi, la même chose. Et le soir, la même chose. Donc, ça a été... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les universités à Lisbonne et l'université au Portugal, il y avait déjà un très fort mouvement anticolonialiste parce qu'il y avait des tableaux où on affichait, on découpait les journaux et on collait tous les morts qu'il y avait dans la guerre coloniale. Et en même temps, on a même réussi à avoir des documents des mouvements de libération, surtout au Mozambique, la Frelimo, et donc on arrivait même à les afficher. Donc il y avait un mouvement anticolonialiste déjà très fort. Donc, dans les universités. Et ce qui explique que la plupart des déserteurs, ils sont issus des universités et des écoles. Alors, au niveau de la campagne, les gens ne savaient pas, parce que le régime Salazar, en 1928, il a fait une loi, et cette loi, c'était la base, la base de répression du fascisme. Donc il y avait, c'est là où il a créé la jeunesse portugaise, c'était un peu comme la jeunesse hitlérienne, il y avait donc la Légion et donc l'armée. Au Portugal, tous les hommes, ils étaient sous le régime militaire jusqu'à l'âge de 45 ans. Et donc ils ne pouvaient pas se déplacer ni voyager sans avoir une licence militaire. Et c'était incroyable, parce que, par exemple, un officier de l'armée portugaise ne pouvait pas se marier avec une étrangère. Mais il y avait des aberrations comme ça. Donc ces sentiments donc antimilitaristes et anticolonialistes, je l'ai eu très jeune, voilà. Et donc j'étais dans l'armée, mais on avait toujours comme vision donc de lutter contre la guerre coloniale et de déserter. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la discipline qu'il y avait dans les casernes, c'était intenable. Hein. Je me rappelle mon premier jour que j'arrive à l'armée, donc on était peut-être 1000 ou 2000, il y a un colonel qui rentre à cheval, et à un certain moment, il fait arrêter le cheval, et il crie, il y a un arbre au milieu. Donc on disait pas là, d'un portugais là. Et alors tout le monde était là, il avait vu qu'il y avait une allumette, donc c'était un arbre. Il y avait un arbre, donc c'était... Et donc il fait un discours, et quand il termine le discours, il y a un chien là, parce que... Dans les casernes portugaises, pour chaque militaire, ils avaient un cochon. Parce que la nourriture était de telle manière dégueulasse, personne ne mangeait. On mangeait très peu. Donc, ils pouvaient élever des cochons. Voilà, donc. Et il y avait aussi des chiens qui profitaient du reste. Et donc, il y a un chien qui passe. Et lui, il a dit, bon, ici, il se présente les officiers. Après, il y a le chien. Et 20 points plus bas, il y en a vous. Et on a compris dans les 3 mois qu'on était, on n'était pas 20 points plus bas que les chiens. On était 50 points plus bas que les chiens. Et donc, c'était épouvantable. Et donc, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu la possibilité donc, de ne pas d'être insoumis, donc réfractaires au service militaire, parce qu'il y avait trois choses au Portugal. Un insoumis, c'était celui-là qui partait avant. Quand on avait 18 ans, on était obligé, chaque personne était obligée d'aller se dénoncer lui-même, donc à la mairie, pour dire, voilà, je suis là, et donc, et donner son nom pour l'armée, pour faire le service militaire. Donc, c'était pour défendre la nation. Voilà, c'est le service militaire. Et après, entre le moment qu'ils avaient donc déclaré 18 ans et le moment qu'ils étaient appelés à faire donc le service militaire, on appelait des réfractaires. Et ceux qui étaient donc dans le service militaire, donc ils avaient déjà commencé donc l'armée, et qui partaient, ceux-là, ils étaient des déserteurs. Alors, donc, comme il a dit tout à l'heure, on n'a pas des chiffres. Et c'est ça le grand problème, c'est qu'on a, même actuellement, le Portugal n'a jamais dit ces chiffres-là, on ne les sait pas. Mais on estime entre 100 000 et 150 000. Merci. J'imagine peut-être qu'avant le 25 à 1974, vous étiez déjà militant de la cause pacifiste. Oui. Et est-ce que ce qui se passait au Portugal et le phénomène de la désertion ou de l'insoumission portugais, est-ce que c'était quelque chose que dans les milieux pacifistes était connu, ou est-ce que vous essayez d'aider, de lutter contre la guerre coloniale portugaise? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais... Juste préciser que l'Union pacifiste apporte vraiment tout son soutien, l'hommage envers ces déserteurs et insoumis, vraiment pour nous c'est vraiment très important. Alors en France, nous avons été très sensibilisés, bien sûr, hein, par cette question des déserteurs et insoumis portugais, et nous avions en mémoire toute récente le problème de la guerre d'Algérie, qui a été effectivement quelque chose de comparable sur bien des aspects. Et nous avions à l'époque, évidemment, des objecteurs à la guerre d'Algérie et d'autres qui ont été fusillés là-bas. Et ça nous a aidé un peu à prendre cette conscience. Hein. C'est comme ça que je suis devenu moi-même objecteur de conscience, bien sûr. Et alors, nous avons eu effectivement une certaine interpellation par rapport à ce qui se passait au Portugal, même si nous n'avons pas été très actifs dans des réseaux, c'était pas toujours évident, mais nous avons soutenu évidemment un certain nombre de jeunes Portugais au cas par cas. Je me souviens qu'à l'époque, nous faisions du bâtiment bénévolement. Et on avait pris au départ quelques Portugais avec nous parce qu'ils voulaient travailler. Et au moins on leur donnait à manger. Et ensuite, ils ont pu trouver. Donc ils ont commencé par du travail au noir, puis déclaré. Donc ça, nous en avons accueilli un petit peu dans nos groupes, mais sans être vraiment un véritable réseau. Mais on peut dire que nous avons été sensibilisés par cette question. D'autant plus que pour l'International des résistants à la guerre, dont nous sommes la section française, a été créée en 1921. Donc par des réfractaires à la guerre, justement, à la grande guerre de 14-18. Alors ce qui nous énerve aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de voir tout le cocorico qu'il y a par rapport à la guerre au centenaire de la guerre de 14-18. Alors que nous mettons en valeur les rares insoumis, déserteurs, les mutins et les fusillés pour l'exemple, pour lesquels nous demandons la réhabilitation. Pour ça, pour nous, c'est important. Et c'est pour ça que quand on voit... nous participons à des colloques sur cette question-là. Et quand on voit des gens qui rendent hommage aux déserteurs, là, ça nous fait plaisir. On se dit vraiment, c'est notre famille, puisque je considère qu'un réfractaire, insoumis, déserteur, objecteur de conscience, que ce soit en français, en portugais, en russe ou en anglais, ça fait partie des plus beaux mots de notre langue. Lorsqu'il y a des hommes, et parfois aussi des femmes, qui sont capables de refuser, de dire non, je ne participerai pas, c'est quelque chose de très fort, et c'est pour ça que nous soutenons les réfractaires de tous les pays, puisqu'il y en a encore actuellement. Nous étions au mois d'octobre en Turquie, où nous avons manifesté avec des objecteurs, enfin des insoumis, qui demandent un statut pour eux-mêmes. Nous soutenons, par exemple, les objecteurs de conscience d'Israël. Alors une bonne partie sont des objecteurs circonstanciels qui refusent d'aller tuer des Palestiniens, et une autre partie sont des objecteurs de conscience en toutes circonstances contre toute guerre. Bon, évidemment, nous les soutenons tous suivant leur position, mais ce qui nous intéresse, c'est cette position, cette capacité du refus de dire non, nous n'allons pas marcher. Et on a des amis actuellement en Colombie, en Corée du Sud par exemple, hein, qui demandent aussi à être reconnus puisqu'ils refusent de participer à l'armée qui de toute façon les enverra tuer d'autres personnes, se faire tuer eux-mêmes pour des intérêts qui ne sont pas les leurs et tuer d'autres personnes qui, eux, sont des pauvres types comme eux. C'est vraiment notre position. C'est pourquoi ça me fait plaisir que nous ayons été invités avec vous, puisque pour nous, c'est très important de savoir dire non et de proposer en même temps une autre, une société plus fraternelle et dans un esprit mondialiste. Je dirais pas pas ce qu'on appelle maintenant la mondialisation, hein, mais le mondialisme, comme quoi les hommes n'ont pas à se tuer entre eux et doivent justement arriver à une certaine solidarité. Merci. Pour reprendre ce qu'on a un peu vu aussi dans les films et que j'aimerais qu'on y revienne un peu, c'est que ceux qui partaient pour ne pas faire l'armée, un des risques qu'ils prenaient, d'une part, c'était de se faire arrêter à la frontière, en Espagne, en France plus difficilement, mais bon. Mais qu'on le voit dans le premier court-métrage, c'était aussi, on craignait pour soi, on craignait aussi pour sa famille, des éventuelles représailles. Il y avait souvent la crainte que son frère, ses parents subissent les représailles, mais aussi, et ce qu'on voit très bien dans le premier documentaire, mais je pense que chez vous aussi ça a dû arriver, même si on le sent moins, qu'est-ce que les gens vont penser ? Imaginez, au Portugal, dans une société relativement fermée, notamment dans les campagnes d'interconnaissance où tout le monde se connaît, où il y a souvent, je ne vais pas dire la rumeur, mais les mots circulent. Est-ce que vous, quand vous partiez, vous craignez pas que, une fois que ça se saurait, que ça rejaillisse notamment sur la réputation de vos proches, de vos frères que vous laissiez? Et est-ce que vous aviez vraiment conscience que c'était une rupture? Parce que, alors je ne vais pas vous demander vos âges, même si vous êtes des hommes, mais je pense que vous êtes tous nés après l'arrivée au pouvoir de Salazar. Et tous ces gens qui ont été se battre sont nés dans les années 40, 50. Salazar était déjà au pouvoir quand ils sont nés. C'est-à-dire que c'était une dictature qui durait déjà depuis 30 ans et dont beaucoup pensaient. Alors maintenant, c'est simple. On sait que ça s'est terminé le 25 septembre 1974, mais jusqu'au 24, sauf si vous étiez au Telo Salaf Kadarak, vous ne saviez pas que ça allait se terminer. Et encore, j'imagine qu'il y avait peut-être 2-3 doutes. Ça aurait pu durer très très longtemps. Et on pouvait penser ça. Donc, est-ce que vous, quand vous partiez, est-ce que vous pensiez à vos proches? Et est-ce qu'il aurait pu leur arriver? Et est-ce que vous aviez conscience que c'était peut-être un adieu, dans le sens pas portugais, mais dans le sens où peut-être que vous ne pourriez plus jamais revenir dans le pays et voir vos proches. Et à l'époque, on ne prenait pas l'avion, EasyJet ou Ryanair très rapidement pour voir sa famille. Ça veut dire que si vous étiez séparés, c'était une séparation qui pouvait durer toute une vie. Enfin, en ce qui me concerne, mon père était un ouvrier agricole, illettré. Mais il était un républicain. Donc il y a une tradition républicaine dans la ville de Setúbal. Les premiers congrès pour la République sous la monarchie ont eu lieu à Setúbal. Et donc il y avait un sentiment contre le régime. Sauf qu'il ne parlait jamais. Et lui d'ailleurs, il a fait l'éteindre dans le bataillon portugais ici à la dernière année de la Première Guerre mondiale. Et donc il y avait ces sentiments. Bien sûr, quand je suis parti donc dans un camion aussi, comme beaucoup plus tard les Portugais sont partis, sauf que je suis parti à côté de deux chauffeurs, soi-disant j'étais un adjoint qui déchargeait les marchandises. Et quand je suis parti, ce soir-là, je ne savais plus quand est-ce que je reviendrais. Ça. Mon père n'a rien dit. Ma mère disait, mon fils, tu peux comme la mère du premier, disait, tu fais ce que tu as envie de faire. Moi, je n'avais pas raconté vraiment ce que je partais définitivement. Puisque je dis bon, je vais juste accompagner le camion qui apportait des huîtres de Setúbal à Turin. Je ne savais pas quand je reviendrais, ça c'est sûr. Mais il y avait aussi ce sentiment qui a été dit dans les films, c'est qu'on vivait dans une société qu'on n'arrivait pas à lire ce qu'on voulait. J'ai pu lire certains ouvrages interdits au Portugal dans des clubs, ciné-clubs, clubs de camping, où il y avait des gens de l'opposition qui dans la bibliothèque avait des ouvrages, en général des éditions brésiliennes, José Amado, Gorky et d'autres. Et ça, avait ça. Il y avait aussi le fait qu'on ne pouvait pas embrasser une fille aussi, ça c'est vrai. Et que tout ça, ça nous pesait énormément, sorte de... on ne pouvait pas s'exprimer, quoi. Et donc, moi, j'avais envie de vivre autre chose, quoi. De connaître un autre pays, pouvoir lire ce que je voudrais, de sortir. Et bon, il y avait ces sentiments, donc j'étais prêt à tout. Et dans votre cas, quand vous êtes parti, est-ce que vous pensiez que votre père était encore militaire? Et vous aviez des frères? Est-ce que vous pensiez qu'il pouvait avoir des... Non, pas du tout. Mon seul souci, c'est que j'avais un enfant. Alors, pour le reste, non, c'était le cadet de mes soucis. Hein. Voilà, surtout quand vous avez la pide au cul, donc là, il faut se tirer. Hein. Donc, on ne réfléchit pas deux fois. Et pendant ce voyage, qui est relativement long à l'époque, en train... Vous preniez conscience au fur et à mesure du voyage que c'était, comme le titre du court-métrage, que c'était un voyage éventuellement sans aucun retour? Oui, c'était un aller simple. C'est comme j'avais dit dans le film, c'était un saut dans le vide. D'ailleurs, dans l'armée, un des exercices, c'était le saut dans le vide. Il y avait un mur, on devrait sauter sans savoir ce qui était de l'autre côté. Donc, c'était la mise en pratique de ce que vous avez appris. C'était la mise en pratique, ce que j'avais appris dans l'armée. Après, ce qu'on a vu avec, tout à l'heure, ce que vous avez dit sur l'Union pacifiste, et qu'on voit aussi un peu dans les films, c'est que, d'une part, il fallait réussir à quitter le Portugal, à traverser l'Espagne, et une fois que les gens arrivaient en France, pays de la Révolution française et des droits de l'homme, etc., mais, en plus, vous êtes une exception, je pense, avec, vous avez les papiers de réfugiés, mais il y avait aussi la crainte de, une fois en France, de ne pas être accepté, voire la crainte d'être refoulé. Donc j'imagine que pour beaucoup, vous êtes... ton cas est peut-être un peu différent, mais il y avait la crainte de ne pas pouvoir rentrer en France, d'être remis aux autorités espagnoles, puis être remise aux autorités portugaises, donc, et ensuite se retrouver en prison et avec une peine. Mais est-ce que, ma question elle est double, est-ce que vous avez des difficultés en tant qu'émigré particulier, c'est-à-dire réfractaire, en France pour avoir des papiers, pour avoir des documents, pour pouvoir avoir une justification de votre présence en France? Et est-ce qu'ensuite, au-delà de l'Union pacifiste, est-ce que vous avez eu l'aide d'autres groupes politiques? Il y avait différents groupes politiques qui aidaient les réfractaires, les désertoirs portugais. Et comme vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, ça se mettait... C'était quelques années après la guerre d'Algérie, mais on était aussi à l'époque de la guerre du Vietnam. Et dans tout un combat anti-impérialiste, et très souvent l'Angola, le Mozambique, la guerre et la Guinée-Bissau étaient rattachés à la lutte plus générale des, contre l'impérialisme et pour la volonté des peuples d'être indépendants. Donc à la fois, est-ce que des problèmes légaux et aussi des problèmes et aussi des aides de groupes comme la CIMAD ou aussi de partis d'extrême gauche qui étaient maoïstes, le parti communiste, peut-être, il faudra en reparler un peu peut-être spécifiquement, qui vous ont appuyé dans votre lutte en tant que réfractaire? Quand je suis arrivé l'été 61, ce n'était pas pour rester à Paris. Je devais partir à Hambourg parce que il y avait des bateaux, des cargos allemands qui venaient à Setúbal. Et par la même façon que je suis parti par ces camions, il y a des copains qui sont partis à Hambourg. Et je devais prendre un bateau à Hambourg. Mais tout ça par étapes. Alors, ma première étape, c'était un champ de travail pour les jeunes. Je m'étais inscrit à la Fédération du Camping du Portugal, du côté de l'Alsace. Sauf quand j'arrive à Paris, c'était assez difficile pour arriver à Paris, mais je suis arrivé. Et puis, je suis arrivé à Paris, on m'a dit, non, c'est plus là, c'est à Mende, donc dans la Lozère. Je dis, mais ça, c'est le sud de la France, ça ne m'arrange pas. parce que c'était convenu qu'un copain qui venait d'Hambourg pour me chercher en Alsace. Et je n'avais pas d'argent. Je savais qu'au Hall, on pouvait travailler la nuit, décharger des camions. Alors c'est comme ça que j'ai la première semaine. Ensuite, je n'avais pas l'habitude. Et j'ai eu les mains pleines d'ampoules. Et c'était vers le 14 juillet. Il y avait beaucoup d'agitation. Je dormais dans un hôtel. C'était pas vraiment un vrai hôtel. Enfin, parlons-en. Je suis allé du côté de Saint-Michel. Tout le monde était dans la rue à l'époque. C'était la fête. C'était encore la guerre d'Algérie. Mais il y avait des fêtes partout, de la musique. Et dans un café, dans une terrasse, j'entends parler portugais. C'était quelqu'un de Porto qu'on appelait, j'ai appris, le Farouk, qui était tué quelques années après. Bon, fermons la parenthèse. Et j'entends parler portugais. Je reste là. Il y a un copain, enfin, qui est devenu un copain, Bravo, qui faisait de la lutte à Benfica, à Lisbonne. Il me dit, t'es portugais, tu t'es enfui, alors tu es des nôtres, assieds-toi, bois une bière. Et c'est par ces copains que j'ai trouvé ma première carte de travail, ma première carte de séjour. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et dans votre cas, vous avez obtenu la... Pourquoi vous avez demandé? Est-ce que quelqu'un vous a conseillé de demander une carte de réfugié auprès de l'OFPRA? Parce que la rumeur voulait que l'OFPRA ne concède pas de protection aux déserteurs. Bon, déserteurs peut-être un peu, des réfractaires du moins, vous étiez déserteurs. L'OFPRA pour délivrer donc des statuts de réfugié, il fallait des preuves, voilà. Et à l'époque, je connaissais un opposant portugais qui était à Paris et qui était connu des autorités françaises. Et c'est lui qui m'a fait donc un courrier et qui a expliqué un peu la situation et qui a donné un certain nombre de faits. Et c'est là que l'OFPRA donc, m'a donné donc, le statut. Donc, mais ça a été long parce qu'à l'époque... c'était très très très long. Alors je n'ai pas eu d'aide de comité, donc déserteur, ni d'autres organisations parce que je ne les connaissais pas. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que la CIMAD y donnait des vêtements. Alors moi j'avais rien du tout et je suis allé à la CIMAD. La seule chose qu'ils m'ont donné, c'était une paire de chaussures qui était si grande que la moitié c'était des journaux pour pouvoir mettre les pieds dedans. Et pendant des mois, c'était mes seules chaussures. Mais bon, c'était comme ça. Mais c'est à l'époque, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas beaucoup de choses, mais on avait la joie de vivre. C'est incroyable. Hein. On faisait pas du mouron comme aujourd'hui. On était content. Hein. Avec peu de choses, on était contents. Et là, on voit notamment qu'il y a eu l'aide de la CIMAD. Est-ce que l'Union pacifiste, dans son combat pour notamment pour la reconnaissance de l'objection de conscience, qui est loin d'être reconnue dans tous les pays, est-ce qu'en France ou dans d'autres pays, il y a d'autres structures qui, sans être spécifiquement dédiées à ces combats, vous aident ou appuient vos mots d'ordre? Nous avons bon, des sections dans beaucoup de pays, hein, de beaucoup de pays dans le monde, ce qui permet aussi d'accueillir des gars qui sont en difficulté. Et nous avons aidé un petit peu à une période beaucoup plus facile, par exemple, en 76, les camarades portugais, quand le Portugal a enfin donné un statut pour les objecteurs de conscience. Et c'était évidemment en 76, à un moment où c'était possible. Et là, nous avons aidé un petit peu et expliqué un peu comment ça s'était passé en France. Et nous avons vraiment été très contents que ça vienne aussi là. Mais là, il y a eu une aide, effectivement, un peu des autres pays qui étaient passés par là et qui avaient obtenu le statut des objecteurs de conscience. Ça, c'était donc... une époque qui maintenant était plus facile. Dans les années précédentes, évidemment, on ne pouvait pas parler d'objection de conscience au Portugal. On avait déjà arraché en 63 le statut des objecteurs grâce à Louis Lecoing, qui était un vieil anarchiste, le seul homme à avoir fait plier le général de Gaulle, puisqu'il a fait une grève de la faim de 22 jours. Ça a pris une certaine dimension. D'ailleurs, Louis Lecoing avait été un des fondateurs de la Solidarité internationale antifasciste, la SIA, qui était tournée sur le Portugal, mais surtout avec les camarades espagnols, de tout ce qui s'est passé à Barcelone et tout ça. Et donc nous avons poursuivi le combat pour qu'il n'y ait plus de réfractaires en prison. Pour qu'il n'y ait plus de réfractaires en prison, ça pour nous c'est une priorité. Qu'ils acceptent ou non un statut, plus ou moins un statut légal, ça peut dépendre des situations, mais au moins qu'il n'y ait plus de réfractaires en prison. Et la question donc s'était posée pour le Portugal, mais évidemment elle s'est posée à un moment où ce n'était plus les circonstances que vous avez pu connaître. Alors moi, je pourrais poser plein de questions, mais je vais vous laisser un peu la parole si vous avez des questions à poser à nos trois témoins. Oui. Bonjour. Je vous remercie en tout cas. J'essaie de poser une question. Alors, j'espère que ça va être clair. Vous avez dit côté français qu'il y avait donc une conscience et une considération du contexte. Un mouvement anti-impérialiste et donc c'est pour ça que du coup il y a une aide particulière par rapport donc à tous les émigrés portugais. Côté portugais, vous avez indiqué que il y avait une propagande forte et ma question c'est du coup cette propagande, qu'est-ce que ça voulait dire en termes de communication? Est-ce que ça voulait dire qu'il y avait pas de communication sur le contexte? Est-ce que vous avez connaissance de tous les mouvements pour les libérations des différents pays en Afrique? Est-ce que l'information passait? Parce que vous avez eu l'occasion de pouvoir aller en Angola, vous aviez eu l'occasion donc, dans votre jeunesse de pouvoir aller donc, dans différents pays, donc de vous rendre compte de vous-même des situations des différents peuples dans ces différents pays. Mais dans le pays au Portugal, est-ce que il y avait quand même une communication où c'était tout était interdit? Moi, j'ai pas connaissance, hein, donc je pose cette question. C'est là que vous devez commencer. Bah, au Portugal, tout était interdit. Hein. Surtout parler de l'indépendance et des mouvements de libération. On disait que c'était des terroristes. C'est tout. Ou Stur. Donc c'était péjoratif même par rapport aux non-terroristes. Enfin, mais c'était facile, la police politique portugaise. Enfin, ce qui me concerne, j'ai eu deux procès, un comme pacifiste et l'autre comme terroriste. Alors, je me suis mis un coup. Donc, c'est facile. Hein. Mais c'est plus tard. Hein. Quand je suis parti du Portugal, j'étais contre le régime, quoi. Et contre la guerre coloniale. C'est tout. Disons que, par exemple, j'ai eu l'occasion de lire ici les premières années, c'était à la fin de la guerre de l'Algérie. Ma première manifestation, c'était pour la paix en Algérie. Je suis très fier. Et donc, c'est Frantz Fanon et d'autres écrivains. Et ça m'a beaucoup influencé, d'ailleurs, ces lectures. Et bien sûr, dans le café dont je parlais, j'allais le samedi soir et on se trouvait. Donc, il y avait des ouvriers de la banlieue de Lisbonne. Il y avait quelques réfugiés intellectuels, assez connus, d'ailleurs, du Portugal. Il y avait des gens du PCP et des dissidents, des gens qui avaient même été en prison avec Cunhal. qu'il y avait un vieux anarchiste de ce Tubat. Et ça, pendant tout un hiver, j'écoutais, quoi. Et il y avait un Rato, donc un militant du PCP, qui venait de temps en temps vendre Wavant, ou alors un autre journal qui était édité au Brésil, qui s'appelait le Portugal Démocratique. C'était tout. Alors nous étions deux ou trois jeunes, parmi des gens beaucoup plus âgés en général, mais en fait ils ne nous ont jamais mobilisés, organisés. Mais la jeunesse est curieuse et on cherchait à connaître quelque chose. On a connu donc, en ce qui me concerne, le mouvement pour aider les familles des prisonniers politiques au Portugal, pour trouver de l'argent, tout simplement. Et on commençait à lire ce qui se passait, enfin, la littérature, entre guillemets, donc les journaux des mouvements de libération. C'est bien plus tard, donc, grâce à mai 68, pour moi, où des militants et des activistes du comité d'action où je militais, Paris 14e, ils me posaient des questions sur le Portugal auxquelles je n'étais incapable de répondre. Et donc j'ai cherché à connaître les groupes politiques dont tu parles, les marxistes-léninistes et tutti quanti. Et c'est là qu'il a commencé à avoir une liaison avec les mouvements de libération, avec des personnes du mouvement de libération d'Angola, du Mozambique. Et à ce moment-là, il y arrivait pas mal de déserteurs, enfin un certain nombre de déserteurs qui passaient par Alger, déserteurs de la Guinée-Bissau. Et nous étions quelques personnes, grâce aussi aux amis français, que j'avais connus en mai 68, qui soutenaient donc ces déserteurs et cette lutte, quoi. Mais c'est ici, en ce qui me concerne, c'est ici parce que je suis parti, je fais partie d'une génération, disons, plus ancienne que celle d'Antonio. Donc voilà. Voilà, et il y avait de l'information. Parce que si vous avez remarqué dans le premier film, donc José Machado, il parle de Radio Alger. Donc l'Algérie, c'était le premier pays qui avait accueilli de manière très favorable donc, les opposants portugais. Il y avait une radio qui s'appelait Radio Portugal Livre, à Alger. Et donc on l'écoutait. Et après, il y avait aussi la Radio Moscou. Donc moi, il y avait une radio. Et c'était... qu'on pouvait l'écouter, tout ça en ondes courtes. Mais ceux qui n'arrivaient pas à écouter Radio Moscou, il y avait un programme les dimanches dans la radio du régime fasciste, qu'on appelait l'émetteur national, qui s'appelait Radio Moscou ment. Voilà. Alors, donc ils disaient ce que Radio Moscou avait dit, ils démentaient tout de suite après. Donc les gens savaient qu'est-ce que Radio Moscou avait dit. Voilà, donc on le savait. Voilà. Voilà. Et donc, il y avait aussi deux revues qui passaient sur le manteau et qu'on pouvait lire. Il y avait Jeune Afrique déjà à l'époque. Il y avait Jeune Afrique. Il y avait une autre revue cubaine qui s'appelait Tricontinental. Je ne sais pas si vous... ça, c'est très ancien. Et donc, dans ces revues qui ont passé ça sur le manteau, donc les mouvements de libération, ils écrivaient. Donc, on était au courant. Mais bon, dans le fond du pays, ils n'étaient pas au courant, bien entendu. Ils n'avaient même pas de radio, la plupart. Voilà. Effectivement, d'avoir conscience de vous parler de Jeune Afrique, il y avait des mouvements d'indépendance qui sont passés dans quelques années avant déjà, parce que pour ce qui est donc, des colonies portugaises, ça a été légèrement décalé. Enfin, les indépendances se sont produites vraiment plus tard. Donc, toutes ces actualités ont dû peut-être, pour ceux qui ont eu bénéfice de ces informations, les les conforter dans leur choix de se dire on va s'opposer également à la décision d'être envoyé en guerre contre ces pays qui finalement sont dans des mouvances légitimes. Enfin, ben, c'est normal. Ouais. Ce qui est normal. C'est ce que le monsieur savoir disait, que depuis 1961, il y a eu pas mal de pays africains qui ont eu l'indépendance. Hein. Et donc, les pays où il y a eu des problèmes avec donc, les colons, où ça a été le plus dur, c'était avec l'Algérie et donc les trois colonies portugaises, et un peu avec la Rhodésie de Liam Smith avec les Anglais. Oui. Parce que tous les autres pays, la décolonisation s'est passée, et ça on le savait, parce que en lisant la presse, voilà. Mais on le savait, et donc là, il y a eu un fort mouvement anticolonialiste. Dans le film, il parlait de sens de l'histoire, et effectivement, certaines personnes étaient au courant de ce qui se passait avant, et juste après, je vous donne la parole. Effectivement, il y avait un fort contrôle des médias, de la presse et tout, mais il y avait des informations, des journaux qui circulaient, qui parfois lapides, on récupérait beaucoup, mais certains arrivaient. Mais pour vous montrer aussi que les gens, aussi les militants au Portugal, concevaient les luttes portugaises dans un cadre plus général, il y a eu au début des années 70 des manifestations contre la guerre au Vietnam. Donc c'était aussi donc c'était relativement marginal, c'était une partie maoïste, mais qui... faisait, alors c'était aussi un moyen de lutter contre l'impérialisme américain, et aussi de, comme le Portugal avait, le Salazar avait une position très ambiguë vis-à-vis des États-Unis, faire une lutte contre la guerre du Vietnam, c'était attaquer les Américains, donc du point de vue du régime, c'était un peu ambigu. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi des informations qui circulaient. Vous voulez rajouter ? Non, mais enfin, je ne sais pas si la remarque est vraiment à propos, mais du coup, vos contributions sont intéressantes pour avoir ces témoignages d'une émigration d'un pays qui anciennement a été à l'origine d'une colonisation, sachant qu'il y a, moi de mon côté je suis issue de l'immigration du coup d'un autre pays, mais qui a été de l'autre côté, qui a été pour le coup colonisé. Donc c'est intéressant de voir également du coup ce qui s'est passé dans un pays qui a eu cette politique-là, mais les gens n'étaient pas forcément partie prenante à ces décisions. Et on voit quand même que il y a eu des conséquences négatives pour les gens. Enfin, c'est intéressant vraiment de... Voilà. Merci. Alors, comme on parle un peu des militaires, je vais être très militaire. Dans ce sens, je vais prendre les questions de l'ordre. Et d'autre part, en plus, c'est bien parce qu'on s'instruit. Et en plus, on fait sauna, donc on va perdre quelques calories. Mais après, il y a un repas, vous inquiétez pas. Donc, la première question, donc, quelle a été la politique du gouvernement portugais vis-à-vis des réfractaires et déserteurs après 1974, quelle politique ils ont menée dans l'armée et dans le gouvernement vis-à-vis des déserteurs? Bon, après 1974, il y a beaucoup de gens qui sont retournés au Portugal. Donc ça a été mon cas. Et donc la situation a été très difficile. Et donc pour ressortir, il fallait aller chercher dans la caserne une licence militaire. Donc ils m'ont donné une licence militaire pour 3 mois, mais je ne suis pas retourné, donc j'ai déserté une deuxième fois. Et après une troisième fois, bon, bah, c'est une autre histoire. Et donc il faut savoir que la guerre est terminée en 75 et 76. Donc ils ont continué à envoyer donc, des militaires dans les colonies. Et il y a eu des révoltes, il y a eu des révoltes dans les colonies. Donc il y a eu des casernes qui sont soulevées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 25 avril 1974, ça a été un coup d'État militaire. Ce n'était pas la révolution. Et le premier mot d'ordre de coup de capé au 25 avril, ils ont dit au peuple de rester chez eux et de ne pas sortir. Mais le peuple est sorti. Et c'est la sortie du peuple de chez eux qui sont venus dans la rue et c'était là la révolution. Mais pas les militaires. Et en plus, il faut savoir que le mouvement du 25 avril, ça a été un mouvement très corporatiste, mais c'est très long à expliquer. Et plus les militaires qu'ils ont fait donc, le 25 avril, ils avaient déjà la plupart plus de 15 à 16 ans de guerre. Voilà. Et donc, c'était pas une armée révolutionnaire qu'ils ont fait. Hein. Donc, c'est suite après. C'est pour ça que ça a été très facile après faire le contre-coup d'État du 25 novembre. Parce qu'ils n'étaient pas structurés. Ils ont été structurés pour un mouvement corporatiste, défendre leurs intérêts. Et pourquoi ça a été ce mouvement corporatiste? Parce que, comme dans les universités, tout le monde se barrait, tout le monde, la plupart des personnes, donc, y désertaient. Voilà. Donc, à l'époque, quand on avait le bac, on pouvait être officier. Voilà. Et donc, il n'y avait plus d'officiers. Les officiers de métier au Portugal n'étaient pas suffisants pour donc commander l'armée. Il y avait très peu. Et donc le Portugal a été obligé de rappeler les officiers, donc qui ont été appelés, qui avaient fait donc les premières deux années de guerre, voilà, qu'on appelait les miliciens. Ils ont été obligés de rappeler pour revenir à l'armée. Et donc quand il est rappelé, donc il leur donnait le grade de capitaine. Or que les autres qui avaient suivi donc l'académie militaire, un peu comme Saint-Cyr ici, donc ils étaient obligés d'être lieutenant avant d'arriver à capitaine. Et donc ceux qui étaient appelés, tout de suite, ils avaient une paye et avaient donc un poste supérieur. Et que bon, ça a remué dans les brancards et c'était une des choses qui a fait le 25 avril. Voilà. Donc c'était un mécontentement militaire. Parce que la première révolte, donc il y a eu effectivement des militaires, c'était Spinola en Guinée, quand il avait fait le livre et qu'il avait dit donc qu'il n'avait pas de possibilité d'avoir une victoire militaire contre les Bourbons de Libération, parce que la surface, donc le théâtre de guerre, faisait 22 fois la surface du Portugal. C'était impossible de faire quoi qu'il soit. Donc il fallait une négociation, il faudrait arriver à une négociation diplomatique et politique. Alors les ultras du régime, ils ne voulaient pas. Et donc c'est là qu'il y a eu les premières distensions. Et avant le 25 avril, comme vous vous rappelez, il y a eu donc la révolte d'une caserne, c'était la révolte de la caserne de Caldas de Reine. Voilà. Donc aussi un mouvement corporatiste. Voilà. La vraie révolution du 25 avril au Portugal, c'était la sortie du peuple dans la rue. Voilà. Je peux préciser cette réponse-là, parce que ça m'a concerné personnellement. Donc, la loi d'amnistie pour les gens qui ont été réfractaires, etc., c'est venu un an après le 25 avril, à peu près. Je n'ai pas la date exacte. Un an après, il y a eu une amnistie pour tous les gens qui avaient déserté, etc. Donc, à ce moment-là, tu pouvais être libéré de toutes ces conditions de l'armée. Oui, alors, nous, on a créé un comité ici à Boulogne-Billancourt, où je travaillais à l'époque. Et puis un peu, pas seulement là, on a occupé le consulat d'ailleurs. On a été reçu par l'ambassadeur de l'époque d'ailleurs, par M. Quimble-Martin. Parce qu'on était contre ce qu'on appelait la taxe, ça s'appelait la taxe, Spluradora. On était obligé de payer une somme assez importante. Ils ont baissé un petit peu après notre mouvement. Et c'est vrai que c'était pas en 76, hein, c'était en 77, ben n'importe. Et je l'ai payé quand même. Parce que chaque fois que j'allais, que je rentrais, que je passais, puisqu'après le 25 avril, j'ai fait quelques séjours au Portugal, comme beaucoup d'autres qui étaient ici. Et puis, il y avait toujours des problèmes quand on voulait sortir. Ça, c'est vrai. Bon, on gueulait. Puis, bon, ils avaient peur, les gens qui étaient à la frontière. Ils ne savaient pas très bien qui nous étions, si on était organisé ou pas organisé, etc. Donc, on arrivait à sortir. Mais c'est vrai qu'après le 25, donc pour cette taxe, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a quand même... il y a eu des manifestations qu'on a faites aussi au Portugal. Il n'empêche que je peux... Oh tiens, il y a un des copains qui est interviewé là, Tim Forge. Donc il est un chanteur révolutionnaire, très engagé. Et il y avait des grèves... Il est de Porto, du Marange, enfin tout ça, du nord du Portugal. Et il venait chanter dans une usine occupée à Montijo, au sud de Lisbonne. Et la voiture, c'était la voiture d'un camarade qui était réfugié, qui avait été réfugié en Hollande. Il dit, je laisse la voiture pour la lutte, quoi. Il a été intercepté par la police militaire du côté au milieu, avant Lisbonne, et il n'avait pas ses papiers militaire en règle. Et tout de suite, de la caserne, sont arrivés quatre soldats avec un officier, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis tout de suite dans le service militaire, c'est-à-dire sans appel. Ce qui nous amène à dire que l'armée au Portugal, et pas seulement au Portugal, c'est un état dans l'état. Évidemment. Mais moi, 8 ans après, quand il y a eu l'amnistie, je m'étais présenté là, et ils ont voulu m'arrêter, m'envoyer donc dans le fort d'Elbe, c'était vraiment une prison là. Oui. Voilà, et bon, sauf que j'ai entendu ça par une porte et je suis parti en courant, voilà, et là, déserté 3e fois là. Mais ça a été très dur. Moi, je suis d'une spiritualité très réduite, j'ai pu retourner au Portugal parce qu'il y a une amnistie générale quand le pape est venu au Portugal. Voilà. Pour une fois, il a fait quelque chose de bien, je suis reconnaissant. Voilà. Donc, mais l'armée a continué, rien n'a changé dans l'armée, hein, même avec les soldats. Hein, ça... D'ailleurs, les soldats qui sont sortis dans la nuit du 25, du 24 pour le 25, avril en 1974, les officiers, ils n'ont rien expliqué, ils m'ont dit, vous montez dans les camions et tout, on va faire quelque chose de militaire, mais ils n'étaient pas au courant. Et c'est quand ils ont vu le peuple que vous voyez dans les images des films du 25 avril dans la rue, ils étaient contents. Et c'est là qu'ils ont su. Parce qu'il y avait que les capitaines qui le savaient, voilà. Mais ils n'ont pas mis au courant. Et leur rapport avec la soldadesque était très, très distant, hein. Albano, je voulais revenir sur un sujet que Victor a soulevé à propos des cas qui ont été présentés. C'est-à-dire, comment ça se fait que vous avez subi un bourrage de crâne à l'école, à l'église, etc. Et néanmoins, vous êtes pris une position contraire. Voilà, c'était ta question. Et qui a été répondu. Alors, en tant que fils de colon, je me revendique, c'est pas avec orgueil que je le dis, mais il se trouve que je suis d'une famille dont le père se disait communiste. Et on était pour l'indépendance. Donc, à la maison, c'était pour l'indépendance. Donc, et nous, on avait la sensation, j'ai été au Portugal en 1958, et j'avais fait le service, l'examen militaire en 57. Et on a dit, qu'est-ce que j'étais limite dans le poids, l'auteur, etc. J'étais limite. Je venais d'avoir la grippe asiatique. J'étais très maigre. Et on a mis de côté. On attend le colonel. Le colonel est arrivé et a amené ceux qui étaient dans la même situation. Et quand je suis appelé, on me demande qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai dit, je vais au Portugal pour l'université. Ah, vous allez à l'université, exempté. Et mon frère, 2 ans après, c'est déjà 1 an et demi avant la guerre en Angola, il a eu la même chose, va à l'université, exempté. Sinon, ça complique les études. Mais l'impression que j'avais par rapport, je reviens au problème des Portugais, de la métropole, l'impression que nous avions eue, c'est qu'ils n'avaient pas la réelle conscience de ce que disait la propagande, qu'Angola était portugaise, que Mozambique était portugais. Mais c'est des Noirs, comment ça se fait? Comment c'est des Noirs et c'est nous? Ça ne va pas. Et donc, ça explique aussi une certaine... la facilité qu'on, avec laquelle on a pu, dans de différents cas, dire qu'il est injuste, cette guerre est injuste contre des gens qu'on n'a pas raison d'attaquer. Voilà, je reste là. Mais juste, pardon, vas-y. Non, mais c'est juste pour. Un des argumentaires de Salazar et de la dictature était de dire qu'on. On ne veut pas décoloniser parce que ces gens-là sont portugais comme nous, etc. Mais quand même que les Portugais de métropole ne voudront jamais accepter qu'il y ait une décolonisation. Et si on décolonise, il y aura une révolution au Portugal pour que on garde les colonies. Et ce qui est très relativement étonnant, c'est qu'après le 25 avril 1974, l'indépendance qui sont venus en 74 pour la Guinée, puis 75 pour l'Angola et le Mozambique. Ça pas, on pensait que ça allait causer un énorme traumatisme au Portugal. Et le Portugal, alors il y a différentes raisons qui peuvent réduire ce traumatisme et qui peut exister chez certaines personnes. Le Portugal, la dictature disait, sans les colonies, le Portugal disparaîtra et sera englobé dans l'Espagne. Et le Portugal va pas super bien, je vous l'admets, mais est toujours indépendant dans le cadre européen, etc. Donc ça montre un peu ce que disait Albano sur le fait que, au-delà du bourrage de crâne, il y avait quand même une distance entre eux et nous, pas toujours pour des bonnes raisons, hein, mais entre et eux, nous les Portugais et eux les autres. Il y avait une question au fond, Pietro, je crois. Non, tu ne veux plus poser la question ? Ouais. Si. Alors, j'ai quelques questions à poser. Alors, la première, c'est vous avez exilé en France dans dates différentes, il y a 11 ans de différence. Je demande à Vasco d'abord, si, vu que c'est le début vraiment de la guerre coloniale en 61, si toi, tu as connu en France des déserteurs français à la guerre d'Algérie, et si tu as eu des informations, quelle était leur situation, où est-ce qu'ils sont partis, ou quelle était leur clandestinité, ou comment ça se passait. La deuxième, c'est pour Antonio, et c'est par rapport à 68. Comment Portugal, 68, a pu avoir une influence sur les étudiants là-bas, parce que juste après, en 69, il y a eu la crise académique. La première, c'est en 62, pardon. La crise académique, c'est en 62, juste après la guerre. Et en 69, il y a une autre, influencée déjà par 68. Comment tu as ressenti ça là-bas? Et une autre chose que je voulais demander, c'est si vous n'étiez pas sur un régime oppresseur et colonial et impérialiste, comment c'est votre position si vous étiez du côté des Africains, enfin, de l'armée angolaise, ou voilà, comment ça se posait la question de la désertion à ce moment-là? Je n'ai pas compris la dernière question. Bon. Moi, des déserteurs français, j'ai connu à Londres. Ah, oui. Je les ai connus à Londres en 63, 64, 63 encore. Donc, des jeunes Français qui avaient des problèmes pour rentrer en France. Ça, en effet, j'en ai connu. Et après, je les ai rencontrés à Paris quelques années, enfin, un an après, une année, deux ans après. Et c'est vrai. Alors, en ce qui la question sur notre conscience, etc. Enfin, peut-être c'était facile pour moi, parce que dans les années 50, 58, avant 58, pardon, j'étais à l'école primaire, il y avait un mélange des gens plus pauvres, d'autres moins pauvres, etc. Et il y avait des gens qui voulaient immigrer en Angola. Et c'était plus difficile à cette époque-là d'immigrer en Angola qu'au Brésil ou ailleurs, au Canada. C'est-à-dire que, à l'époque, les colonialistes portugais, ils voulaient surtout pas qu'il y ait trop de blancs en Angola. Notamment. Parce que c'était la colonie qui était où il y avait plus de Portugais, disons. Mozambique, c'était plus loin. C'était un peu plus... Pour nous, du moins. Pour les gens du peuple. Et alors, ça nous a... Quand j'étais donc... j'avais mes 17 ans, etc. J'avais conscience de ça. C'est-à-dire que nous, on disait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et quand ça a commencé la guerre, quand Salazar a dit, maintenant, tous au Portugal, tous en Angola, hein, et sans s'arrêter, son mot d'ordre, au début de la guerre. Rapidement et en force. Rapidement et en force. Donc, en mars 61, ben, nous, on a rigolé dans les cafés. On voyait ça à la télé, dit, mais ça va pas, non? Avant, il y avait ton père qui voulait immigrer en Angola, il ne voulait pas. Maintenant qu'il y a la guerre, il veut qu'on aille défendre les colonialistes qui avaient les plantations. Les diamants, c'était les Anglais. Le pétrole, c'était les Américains et les Français. Le fer, c'était les Japonais et puis les Allemands aussi. Alors, Angola, ce n'est pas le Portugal. Ça n'a jamais été le Portugal. Et donc, pour nous, c'était, ça s'arrêtait peut-être là, mais c'était très clair. Il avait un papier, un passeport des colonies. Moi, j'ai eu un passeport Mozambique. Ah oui, ben ça j'ai appris quand je suis allé la première fois, enfin quand je suis allé une seule fois d'ailleurs, mais je suis resté quelques semaines, quelques mois même, en Angola. Et donc les Portugais d'Angola, qui étaient là depuis plusieurs générations, ils avaient un passeport qui, en fait, il y en avait qui disaient Portugais de deuxième catégorie. On disait, je n'ai jamais vu, mais on dit c'est de deuxième catégorie. C'est ça, seconde classe. Mais donc, ça veut dire que pour des gens de ma génération, on était dans une ville où il y avait des usines. Et il y a toujours eu, au moment de, en 58, quand c'était les élections pour la présidence de la République, avec le général Delgado, qui les a gagnés d'ailleurs, et que nous, sans être organisés, on prenait le car pour aller à Almada manifester contre le régime. C'est-à-dire, c'était déjà un sentiment. Par rapport au sentiment anticolonialiste, ce n'était pas aussi généralisé. Parce que dans l'opposition portugaise, disons, dans la bourgeoisie portugaise, il y avait ceux qui étaient satisfaits du régime, il y avait ceux qui étaient mécontents du régime, mais ils étaient pour les colonies. Ça a duré pendant longtemps. Mais il y avait un autre match qui voulait que la capitale du Portugal soit le Luanda. Et ça, depuis 1956, il y avait déjà un mouvement, même parmi les fachos, qui voulait que la capitale soit en Angola. Voilà. Il y avait un ancien gouverneur de l'Angola. Mais oui, c'était un ancien gouverneur en ordre de marche. Je peux raconter une anecdote personnelle. C'est que je me suis trouvé, donc, ça s'appelait à cette époque Nova Lisboa, au moment de l'anniversaire de la mort de Norton Match. Oui. Et à ma grande surprise, il y a d'autres jeunes, dans toutes les boutiques, dans toutes les vitrines, il y avait la photo de Norton Match. Alors que nous, au Portugal, il était interdit d'en parler. C'est-à-dire, c'est vrai que tout ça, ça nous interpelle. Hein, quand tu... Pourquoi, etc. Et d'ailleurs, dans les partis politiques, même au Parti communiste portugais, il y avait une attitude qui n'était pas très claire parfois pour nous, qui avons refusé de faire la guerre coloniale. Elle n'était pas claire, n'a jamais été claire d'ailleurs. La preuve que je me suis engagé dans des mouvements contre ici à France, à Paris, nous on était pour la désertion, mais clairement pour la désertion, et on parce que ça commençait dans la période déjà d'Antonio, il y avait de l'agitation dans les casernes, il y avait un mouvement dans les, pas seulement les étudiants, mais en général des jeunes, de la jeunesse, et pas seulement de la jeunesse, contre la guerre coloniale. Alors il s'agissait. Et eux, ils pouvaient venir, notamment en France, au milieu des autres immigrés, et trouver du travail, des cartes de travail, des cartes de séjour. Sauf qu'en octobre 71, il y a eu les accords qui ont été signés, et que dans ces accords franco-portugais, il était stipulé que les jeunes de 21 ans, de moins de 21 ans, enfin de 21 ans, on ne leur donnait pas la carte de travail, la carte de séjour. Donc il fallait qu'on agisse à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on a créé officiellement le comité des déserteurs avec l'aide des amis français notamment, et dans d'autres pays en Europe, on l'a fait de la même manière, en Suède, au Danemark, en Hollande. Et que les militants qui faisaient de l'agitation politique contre la guerre coloniale au sein de l'armée puissent dire, ne vous inquiétez pas, vous désertez, mais vous serez accueillis dans les, en Europe. Et c'est ça qui a fait. Parce que jusqu'à 70, notre soutien aux déserteurs, il n'y avait pas de comité de soutien aux déserteurs. On le faisait, mais on le faisait de manière un peu artisanale et informelle. Quoi. Un petit rajout, c'est qu'au Portugal, l'État, les autorités de l'État et des ministères renvoyaient dans les colonies des gens qui étaient trop à gauche. Ah oui. Et au Mozambique, il y avait à un certain moment 4 ex-secrétaires du Parti communiste. Moi, j'ai eu un professeur ex-secrétaire général du Parti communiste, professeur Cassado Gonçalves. Donc, à Lourenço Marques, il y avait un mouvement d'opposition politique qui était relativement solide et important. À cause de ce phénomène des juges, des directeurs de partisans, de cabinet, etc., étaient de gauche. Je voulais juste ajouter quelque chose d'important. Pourquoi nous on était contre la participation. Là, il y a la pluie qui nous attaque. La pluie militariste et veut nous faire taire. L'orage, ouais, c'est ça. Ouais. On était pour la désertion parce que on a connu quelques exemples, malheureusement, de camarades qui étaient connus par leur agitation au sein de l'université, à Coimbra notamment, et pas seulement, qui ont été appelés par l'armée, et ils sont allés à Guinée-Bissau, et deux mois après, ils étaient tués, soi-disant en opération. C'est-à-dire, ils étaient fichés par la police politique. Donc, ils ont été tués, pas par devant, mais par derrière. Donc, le mot d'ordre « désertion », c'était un mot d'ordre juste à l'époque. Vous voulez rajouter quelque chose pour répondre à la question ? Sommet 68, notamment. Sur mai 68, ah oui, ça a été très largement exploité par le régime, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'immigrés ici qui sont partis. Au Portugal, ils ont eu peur, et donc la RTP, la télévision officielle, a bien pris soin de les interviewer à l'arrivée donc, à Porto, dans la gare de Campanha. Et alors, évidemment, ils disaient que c'était la fin du monde et tout ça. Alors là, bon, c'est ça, ils ont étalé ça et tout. Mais sauf que nous, dans le mouvement étudiant et un peu le mouvement intellectuel, on était très contents. Voilà, et ça nous a donné énormément d'enseignements, et donc ça a déclenché un an après donc la révolte étudiante à Lisbonne, qui a été réprimée à Lisbonne, à Coimbra et même à Porto, qui a été réprimée d'une manière atroce, hein, mais c'était un mouvement, parce qu'elle a été de telle manière réprimée d'une manière atroce que même les recteurs des universités, ils ont intervenu auprès de Salazar pour demander à la police de se calmer, parce que ça a été une répression énorme. Concernant aussi, bon, il y avait ce que tu as dit, Antoine, et tu as bien raison, c'était les Portugais de deuxième classe. Ils n'avaient pas la même monnaie, les escudos étaient différents. Et n'avaient pas que les officiers, les Portugais de deuxième classe, il y avait aussi des officiers de deuxième classe. Alors, les officiers de deuxième classe dans l'armée portugaise, c'était donc les Noirs. Donc, ils allaient dans les tribus, dans les villages. Et donc, il y avait le chef, le roi, c'était Oussob. Et donc, lui, on lui mettait des galons de capitaine. Lui était capitaine de deuxième classe. Il avait droit à rien du tout, mais il était capitaine. On lui donnait... Et les enfants, bon, et tout le restant, ils étaient lieutenants. Et après, ils donnaient des choses comme ça. Et ils avaient formé donc une deuxième armée, donc c'était cette armée de deuxième classe. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que après, bon, tous ces, évidemment, ils sont reliés tous donc au mouvement Libération, mais Lapide, elle avait formé donc une armée d'Africains. C'était des assassins, hein, qui ont fait les pires choses qui existent. Et cette armée, on appelait les flèches. Voilà. Et c'était quelque chose d'épouvantable, hein, ce que ces gens-là, ils ont fait. Voilà. Donc, comme les Harkis en Algérie. Oui, un peu comme les Harkis. Il y avait les Harkis en Algérie, et au Portugal, et dans les colonies portugaises, on appelait les flèches. Voilà. Voilà. Alors, ce qui se passait, effectivement, il y a eu une conscience. Il y a eu une conscience même dans l'intérieur du Portugal, parce que quand il y avait un mort, l'armée, il ramenait le cercueil, il tirait bon, les cérémonies militaires. Et il y a eu pas mal de villages dans l'intérieur du Portugal où ces militaires-là, ils ont été virés à coups de pierre. Hein. Donc ça a commencé à se généraliser parce que les gens, ils étaient désespérés de voir les enfants arriver dans des cercueils. Voilà. Donc il y a eu quand même, mais d'une manière, c'était très désorganisé. Tout à l'heure, la question qui a été posée, c'était notamment le lien entre la désertion portugaise et celle de l'Algérie. Tu as dit que tu connaissais des gens, des déserteurs français de la guerre d'Algérie. Est-ce que c'était un phénomène qui est relativement encore pas très connu sur les déserteurs de la guerre d'Algérie? Où est-ce qu'ils allaient? Et comment, en fait, ensuite, ils réussissaient à revenir en France? C'est moins connu. Effectivement, on n'en a pas parlé beaucoup. J'avais connaissance de deux filières, l'une pour la Suisse et l'autre pour Bruxelles. Et très souvent, ils allaient ensuite en Suède, effectivement. Donc ça a été très difficile, effectivement, pour le retour. Pour le retour, qui généralement s'est négocié un peu au cas par cas par l'intermédiaire d'un avocat. Avant d'attendre une amnistie, mais ça a été effectivement ça a été long parce que les gars étaient reconvoqués à chaque fois au service militaire puisqu'ils ne l'avaient pas fait. Donc ça a été très dur pour certains, mais ça a été résolu plus au cas par cas que par une décision d'ensemble en fait. Hein. Mais beaucoup ont eu beaucoup de mal à revenir. Ils ont eu du mal à revenir, effectivement. Alors maintenant, ils peuvent évidemment parler librement. Il y a les associations des anciens réfractaires à la guerre d'Algérie, d'ailleurs, qui racontent un peu comment ils ont vécu ce refus à l'époque. Merci. Alors, je vais faire une annonce. Oui. Bon, notre association, Mémoire Vive, Mémoire Vive, elle a beaucoup d'archives, surtout d'ouvrages sur ce qu'on vient de parler aujourd'hui, et donc ils seront versés à la BDIC à Nanterre. Bien. Et ça c'est pour nos enfants et petits-enfants. Plus tard vous pourrez travailler donc sur tout ce qui a été fait dans l'immigration au sujet de la désertion, de la guerre coloniale, de l'antifascisme. Et vous pouvez vous procurer tous ces documents à la BDIC et n'hésitez pas à travailler là-dessus, même pour des thèses. C'est l'histoire de vos parents et de vos grands-parents. Alors, je suis vraiment désolé, là, c'est moi qui ai le mauvais rôle, hein, qui est maintenant de vous dire que c'est terminé, alors que vous avez posé des questions. Mais c'est absolument pas... Alors, là, je suis en train de dire que c'est moi qui ai le mauvais rôle et tu dis que c'est possible. Partie de mon expérience personnelle. Moi je souscris à peu près à tout ce qui a été dit là. Non, je parle dans le modèle, je suis petit, mais je parle avec une voix assez. Mais il y a un aspect qui a été dont on n'a pas parlé, c'est celui des gens qui ont déserté, qui étaient des militaires de carrière. Bon, moi j'en parle en connaissance de cause parce que c'était mon cas. Ces militants, ces militaires de carrière qui ont déserté ont eu une influence assez importante dans le déclenchement du 25 avril. En particulier des officiers de la marine, où il y avait une politisation assez importante qui s'était faite par rapport à ce qui se passait ici, avec les contacts qu'on avait avec eux, et suite à mai 68 et tout ça. Et donc, le mouvement du 25 avril, le mouvement des capitaines, il a eu aussi une influence importante. Et je souscris à ce qu'a dit le copain sur le fait que c'était un mouvement corporatiste. Mais c'est vrai aussi que la politisation à l'intérieur des officiers de métier ne doit pas être négligée et qu'elle avait eu un impact très fort et qui avait eu un contact très fort avec ce qui se passait en particulier dans le mouvement étudiant portugais, mais aussi avec ce qui s'était passé en mai 68 ici. Ça, c'est un des points. Deuxième point, je reviens sur la question que le copain a posée tout à l'heure, qui à mon avis n'a pas été tout à fait répondue. Quelle était l'attitude des militaires après le 25 avril par rapport à ceux qui étaient déserteurs, réfractaires, etc. Je crois qu'il faut voir que c'était une période, dont, je pense que tout le monde est au courant de ça, c'était une période d'extrême confusion, où il y avait toutes sortes de courants qui se télescopaient dans le mouvement social qui s'est développé après. Mais je voudrais quand même signaler qu'il y a eu deux courants majoritaires par rapport à la question de l'armée. Il y a eu un premier courant qui était, lui, alors là, largement majoritaire, qui était le courant des groupes qui demandaient aux gens qui avaient déserté, qui étaient réfractaires et insoumis, de revenir au Portugal et rentrer dans l'armée, parce qu'à ce moment-là, ils la voyaient comme une armée révolutionnaire, la voyaient comme une avant-garde dans toutes les idéologies classiques des partis avant-gardistes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont revenus au Portugal, beaucoup de réfractaires, déserteurs et insoumis, pour réintégrer l'armée et en même temps restant encadrés dans les groupes politiques auxquels ils appartenaient. Après, il y avait un courant minoritaire, très minoritaire, auquel, personnellement, j'étais lié, qui considérait que l'armée ne pouvait pas faire la révolution et qu'il fallait surtout soutenir le mouvement social qui s'était développé. Et je me souviens que juste après le 25 avril, il y a eu une grande assemblée à Lisbonne, je pense que c'était dans une association ouvrière qui existe toujours, qui s'appelle le... A Voz do Operário. Et dans cette assemblée, il y a eu une grande discussion sur s'il fallait ou non rentrer de nouveau dans l'institution militaire. Et donc ça a un rapport aussi avec ce que disait le copain, parce que forcément, si tu faisais partie d'un groupe ou d'une organisation qui considérait qu'il fallait rentrer de nouveau dans l'armée pour faire la révolution à l'intérieur, pour renforcer ton organisation à l'intérieur, l'attitude par rapport à l'armée avait changé dans ces groupes. Alors que la minorité qui considérait qu'il ne fallait pas du tout rentrer dans l'armée, mais plutôt soutenir les mouvements sociaux qui se développaient, elle avait une attitude beaucoup plus dans la suite de ce qui s'était passé précédemment, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment continuer à se trouver en dehors de l'institution militaire et bon, après, avec tous les problèmes d'amnistie qui ont été déjà mentionnés, etc. Juste une petite anecdote quand même, parce que puisque il y a des gens peut-être qui vont faire des thèses là-dessus, donc il faut que ça soit sûr. Donc, moi, je fais partie donc d'une minorité de gens qui étaient officiers de marine, qui ont déserté. Et nous avons, juste après le 25 avril, été à Lisbonne directement. On s'est occupé directement de notre cas. Et donc, on a débarqué chez un des officiers supérieurs qui était déjà dans la junte de salut national, Pinheiro de Azevedo, qui était un type assez idiot, mais qui avait été parachuté un peu devant tout ça. On l'a réveillé au milieu de la nuit, il est venu nous voir en pyjama, et on lui a dit, bah, écoutez, nous voilà, il y a la liste des jeunes officiers qui ont déserté. Demain, on veut la signature de la junte là-dessus, et on va être amnistié. Alors il était un peu, bon, il ne savait pas quoi dire, de toute façon, il avait des idées un peu troublées, en plus il sortait de son sommeil, mais il a pris le papier et le jour après, il a fait signer par Spinola et on a été amnistié. Mais c'était un petit truc vraiment symbolique à côté. Mais on avait quand même parlé pas mal de ça autour de nous, parce que notre idée c'était de montrer aux gens qu'il fallait s'occuper eux-mêmes de leur propre vie, de ne pas attendre que le gouvernement prenne une décision institutionnelle par rapport aux déserteurs, etc. C'était peut-être pas évident, mais que finalement ce qui a été finalement fait après, à cause en particulier de ce que le copain a mentionné, le fait qu'il y a eu de plus en plus de révoltes dans l'armée, parce qu'on voulait continuer à les envoyer en Angola bien après le 25 avril. Bon, c'était ces deux points que je voulais aborder. Est-ce que je pourrais conclure par une phrase qui me vient? On a souvent, certains ont dit que les déserteurs c'était des gens trouillards. Et moi, je trouve qu'ils sont très courageux. Merci. merci, c'est effectivement une bonne conclusion. Le débat n'est pas fini, il peut continuer d'une manière complètement informelle autour du repas. Et je vous propose juste au moins de remercier les personnes.